Ce vendredi, à la vie en BD, des bandes dessinées sur l'histoire de la Fondation de Montréal, une bande dessinée sur le troisième voyage de Jacques Cartier, un 24 heures de la bande dessinée à Québec, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude sur les ondes du 89.1. Toujours pour parler bande dessinée, on va plonger comme à l'habitude dans l'univers du 9e art, mais également cette semaine dans l'univers de l'histoire. Plusieurs bandes dessinées qui ont été lancées simultanément l'automne dernier autour de thématiques historiques. Il faut dire qu'il y en a eu quelques-unes qui sont apparues autour de la métropole, autour de Montréal, 375e oblige. Bon, il y a l'éditeur La Pastèque, on aura l'occasion sûrement d'en reparler au fil du prochain mois, donc qui a offert un Paul à Montréal et quelques autres éléments donc à l'occasion du 375e. Et parallèlement, il y a les éditions Glénat qui, eux, en ont profité pour s'intéresser à l'histoire de la fondation de la Nouvelle-France sous différents angles. D'abord, en fait, on en parlera en première moitié d'émission en compagnie du scénariste et dessinateur François Lapierre. Un diptyque, en fait, deux bandes dessinées qui sont échos l'une à l'autre. Donc 1642 Ville-Marie et 1642 Hochéaga, donc qui raconte les circonstances autour de la fondation de la ville de Montréal, l'un du point de vue européen, l'autre du point de vue amérindien. Donc ça devient un exercice stylistique, scénaristique quand même assez stimulant, il va sans dire. Et tout ça à travers donc la plume de François Lapierre et de Dara Maud et le dessin également de Jean-Paul Hyde. Alors ça, on aura l'occasion donc d'en parler et surtout en fait de revenir entre autres sur l'exercice scénaristique que ça a dû représenter, donc de préparer tout ça et de bâtir essentiellement deux récits en parallèle qui doivent être connectés, qui doivent aussi puissent pouvoir être pris de manière indépendante ou dans un ordre de lecture entièrement laissé libre au lecteur. Donc c'est un exercice intéressant autour de tout ça. Et parallèlement, l'autre bande dessinée, c'est dans la collection Explorat de Glénat qui s'intéresse aux explorateurs. Et évidemment, on en a un ici en Amérique du Nord et au Québec qui s'appelle Jacques Cartier. Et il y a Denis-Pierre Philippi et Patrick Boutin Gagné qui sont intéressés donc à Jacques Cartier avec cet album La Poursuite d'Hochelaga. C'est les circonstances principalement autour du troisième voyage de Cartier. Et on se retrouve un peu dans un cadre de thriller diplomatique essentiellement. Donc ça devient assez intéressant là-dessus, dans le fond, dans le choix scénaristique qui a été donné, dans la manière dont on a choisi aussi de représenter Cartier. Alors, on en parlera avec le dessinateur en deuxième moitié d'émission, donc avec Patrick Boutin-Gagné. Également, en fin d'émission, il y aura Maxime Dubois, alias Max Tache, qui viendra nous parler de la première édition du 24 heures de la bande dessinée de Québec. Alors, c'est un peu bande dessinée 24 heures de la bande dessinée d'Angoulême, qui n'a pas lieu cette année. Et les dessinateurs, voyant ce vide, qui aimaient faire l'exercice à partir de Québec, mais qui ont décidé d'organiser donc un 24 heures ici. Et les inscriptions sont toujours ouvertes d'ailleurs, donc on vous en parle un peu d'avance pour une fois. Question de vous donner l'occasion de vous y intéresser de différentes manières. Donc ça, ce sera, je le rappelle, en fin d'émission. Alors voilà pour le menu de cette semaine ici à La Vie en BD. Et comme à l'habitude, on commence l'émission avec quelques actualités. Bel honneur d'ailleurs pour l'album Betty Boob, publié chez Casterman, qui a été donné cette semaine. L'album dessiné par la Québécoise Julie Rochelot et scénarisé par la Française Véronique Cazot a remporté le prix BD de la FNAC 2018. Un honneur évidemment pleinement mérité pour cet album, dans lequel, je vous le rappelle, on suit le parcours de Betty atteinte d'un cancer qui doit subir une ablation du sein. Une bande dessinée sans parole qui s'intéresse à l'après. Que se passe-t-il une fois l'opération subie? Et comment le regard des autres sur notre propre corps se transforme-t-il et comment se le réapproprier également? De grandes questions auxquelles on répond, racontées dans la joie, dans l'empathie, dans l'humour. On passe d'un moment d'émotion à un moment de rire, à un moment de drame, à des moments slapstick que Buster Keaton n'aurait pas renié. Bref, donc une superbe BD avec dessin de Rochelot qui est toujours très réussi. Et bien évidemment, De toute évidence, je ne suis pas le seul à avoir aimé cet album. Donc, les lecteurs de la FNAC l'ont préféré à Aldeweiss de Cédric Magnin et Lucie Mazel, à L'aimant de Luca Harari, au reflet changeant d'eau de Mermilio, à Chiton 1, au commencement était la colère de Zidrou et José Homs, ainsi qu'à Une sœur de Bastien Vivès, en remportant donc le prix de la FNAC. Ils auront un peu de visibilité particulière qui leur sera offerte d'ailleurs au fil des prochains mois. Alors, mes félicitations à Julie Rochelot et Véronique Cazot. Autre nouvelle, puisqu'on est du côté de la France, nouvelle d'Angoulême. 1230 auteurs de bandes dessinées ont participé au premier tour de l'élection du Grand Prix de la ville d'Angoulême 2018. Alors, qui succédera à Cosé comme Grand Prix du festival? Eh bien, trois auteurs donc ont été plébiscités pour concourir au second tour de l'élection du Grand Prix. On parle de Richard Carben, style ultra réaliste, utilisation de la couleur, l'aérographe emblématique donc de la nouvelle génération d'auteurs indépendants de la scène américaine. On lui doit entre autres Metal Hurlant et plusieurs collaborations sur des grands groupes d'édition comme DC, Marvel ou Dark Horse avec des séries comme Luke Cage, Punisher, Hulk, Hellboy, etc. Deuxième nom qui a été retenu, c'est celui d'Emmanuel Guibert. Emmanuel Guibert qui publie évidemment La guerre d'Alan, qui lui vaut un succès critique et commercial. Ensuite, bon, Le photographe, qui lui vaut également d'autres récompenses. C'est un scénariste prolifique aussi qui crée avec Sphère Les olives noires, La fille du professeur, Sardine de l'espace. Il est lauréat 2017 du prix Goscinny d'ailleurs. Et troisième nom qui a été retenu, c'est Chris Ware. Chris Ware, figure incontournable évidemment de la bande dessinée américaine, qui installe plusieurs personnages qui deviendront emblématiques dans Acme Novelty, que ce soit Kumbi de Mouse, Rusty Brown, Jimmy Corrigan, des personnages qui se démarquent par leur timidité, leur fragilité, l'empathie immédiate qu'ils suscitent chez le lecteur, et des livres qui se distinguent également par une belle générosité, un graphisme immédiatement reconnaissable, une fabrication soignée, évidemment sur un auteur multi fois récompensé. Alors donc, qui de Chris Ware, Richard Carben et Emmanuel Guibert sera le Grand Prix 2018 d'Angoulême? Réponse, dans le courant du mois de janvier. Sinon, autre belle nouvelle en lien avec Angoulême, sur les traces d'Arthur, donc ce documentaire qu'on a eu l'occasion de voir d'ailleurs il y a quelques années à l'occasion du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, sera offert au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême au lieu de la bande dessinée mondiale. Je rappelle, en fait, c'est un hommage renversant fait à la hauteur du génie d'André Monpetit, figure toujours un peu trop méconnue de la bande dessinée québécoise, pionnier de son art. André Monpetit, dit Arthur, qui a enflammé l'univers de la bande dessinée à la fin des années 60 par son trait incisif et son propos mordant et son caractère indomptable, nous dit le synopsis du documentaire, le conduira à l'isolement jusqu'à son énigmatique disparition. C'est un film de Sahel Lacroix. Et dernier notule d'actualité, simplement pour vous dire que le 24e prix France Info de la bande dessinée d'actualité et de reportage a été attribué à Brigade des mineurs de Rénal Pellissier et Titoine. Alors, c'est un prix évidemment qui est décerné de manière annuelle. Pour ce titre, le jury, il a aimé, je cite, les dessins réalistes, les portraits en pied, les bureaux encombrés, les détails soulignés qui confèrent au récit beaucoup d'humanité et beaucoup de pudeur sans sensationnalisme. Alors, Brigade des mineurs est en compétition avec 8 autres albums. Les nouvelles de la jungle de Khaled, Lisa Mandel et Yasmine Bouaga, Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu de Mathieu Sapin, L'homme au bras de mer de Thomas Azuelos et Simon Rochepeau, La fissure de Carlos Spotorno et Guillaume Abril, Rouge Imba, carnet d'amitié avec les éleveurs de Namibie de Solène Badet et Simon Hureau, Faire la loi d'Hélène Beck-Méziane, Patrick Roger et Aurel, Running Blackouts, Dépêche de Turquie, de Syrie et d'Irak de Sarah Glidden, que je recommande. En fait, c'est un des rares que j'ai lu dans la liste, mais vraiment excellent d'ailleurs. Et Une affaire d'État de David Severnet et Thierry Martin. Voilà pour ces prix. Alors, là-dessus, on s'en va en musique. C'est l'album Synthesis de Rotiv Ocknarb qui nous accompagne cette semaine et on en écoute immédiatement un premier extrait. Thank you. à l'antenne de CKRL. On plonge maintenant dans l'histoire en bande dessinée avec ces deux albums qui sont sortis simultanément l'automne dernier, 1642 Ville-Marie et 1642 Oceaga. Le premier dans un scénario de François Lapierre et Zara Maud, dessiné par Jean-Paul Hyde. Le second dans un scénario de François Lapierre et Zara Maud, mais cette fois-ci dessiné par François Lapierre. Alors on s'est dit, à qui jaser pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce projet? On s'est dit, pourquoi pas François Lapierre? Il est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour, Raymond. Alors, François, en fait, ces deux albums, je le disais, qui sont sortis en simultané, qui ont été développés en simultané, c'est deux échos sur la fondation de cette ville qu'on appelle aujourd'hui Montréal. Un concept qui, j'imagine, en fait, d'emblée, est assez particulier sur le plan narratif, et j'imagine, dans l'exécution de ce concept-là. Oui, ça a été une belle aventure là-dessus, parce que c'était nouveau pour moi de travailler sur deux histoires qui se complètent. C'est absolument, en fait, c'était un peu un casse-tête scénaristique, mais qui était très positif. Mais oui, ça a été un peu compliqué parce que souvent, il y a des scènes qui se retrouvent dans un album et l'autre, mais d'un point de vue différent, comme si on plaçait de la caméra différemment aussi avec d'autres protagonistes. Mais oui, ça a été assez particulier à travailler. Et dans le fond, dans le concept, on a bien vu dans l'énumération d'entrée de jeu que vous avez scénarisé les deux tomes avec Zara Maud, que vous êtes peut-être un peu, j'avais envie de dire, un peu réservé le dessin sur la vision amérindienne de la situation, la société européenne à Jean-Paul Hyde. Est-ce que c'est un peu une façon pour toi de renouer avec des univers déjà explorés dans Sagana ou Chronique Sauvage? Oui, c'était une façon aussi pour moi de renouer avec le dessin d'un album. Le dernier, c'était quand même Chronique Sauvage, qui date de il y a peut-être 6 ou 7 ans. Je pense qu'il était temps que je me remette au dessin pour un album. Quand j'ai vu cette opportunité-là dans 1642, c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de dessiner des forêts et des personnages, un côté plus organique là-dedans. Et alors que Jean-Paul, il y a un côté plus technique dans son dessin. Je pense que naturellement, la répartition des tâches s'est placée naturellement. Et tu disais, dans le fond, quand tu as vu apparaître ce projet-là, j'allais te demander justement comment est-il apparu, ce projet-là? En fait, c'est Christian Chevrier de Glénat Québec et de Hachette qui m'a approché il y a quelques années pour ça. Lui, il a travaillé pas mal en amont là-dessus en disant dans deux ans et demi, il va y avoir le 375e, ce serait bien qu'on fasse une histoire sur la Fondation de Montréal. Je crois que Christian est particulièrement intéressé aussi à cette période-là parce qu'un de ses ancêtres, qui était le baron de Fancamp Chevrier, était à l'origine aussi, parmi d'autres personnes, parmi un groupuscule français, du développement de la Fondation de Ville-Marie. Du côté français, on s'entend, il n'est pas venu au Québec, là, ou à Nouvelle-France, mais il était en France. Donc, il m'a approché avec ça, puis moi, je lui ai parlé. J'avais lu, entre autres, « Tessouat, la Gonquin de l'île » sur la Fondation de Montréal, écrit par Rémi Savard. Puis, j'ai parlé de ce livre-là qui pourrait être intéressant d'apporter le côté autochtone. Fait qu'on est arrivé assez rapidement avec l'idée qu'on pourrait faire peut-être un diptyque où ce qui est vraiment un point de vue et autochtone et français là-dessus. Parce que c'est clair que les Français n'auraient pas pu s'établir ici sans un peu d'aide de leurs alliés amérindiens. Et puis, en fait, de manière générale, j'ai pas l'impression que le regard autochtone ou la perspective autochtone est tant présentée que ça quand on parle de l'histoire de notre fondation, finalement. Non, pas du tout, en fait. Moi, j'avais beaucoup à cœur de parler de personnages historiques qui ont vraiment existé, qui sont d'une importance capitale pour l'évolution de la Nouvelle-France. Là, dans ce livre-là, on parle entre autres de Tessouat, le borgne, qui à l'origine était situé à l'île aux Allumettes dans la rivière des Outaouais. Sauf que l'été, ils passaient leur camp souvent aux Trois-Rivières, et c'est lui que... Tessouat était l'ennemi des Jésuites, donc il n'y avait pas grand place où aller. Maisonneuve, lui, avec Québec, ça se passait moyennement bien. Donc, il y avait besoin de Tessouat, et Tessouat avait aussi besoin de Maisonneuve. Donc, Tessouat, Pièce Carret, même des Français comme Homme Double, François-Marguerite de La Haye, ce sont des personnages qui sont vraiment, vraiment méconnus, que personne ne connaît. Moi-même, avant de lire des trucs historiques, je ne connaissais pas, qui m'ont permis de « wow, il y a vraiment de matière à mettre à l'avant-plan ces personnages-là qui, autant que les Français, ont une importance capitale. » Oui, puis en même temps, ça nécessite aussi une certaine recherche historique. Tu parles de Tessouat, justement. Mais il y a le livre Tessouat, l'Algonquin de l'île, qui donne une version peut-être un peu plus balancée du personnage. Mais si on lit dans les Jésuites, c'est un portrait qui est extrêmement négatif, qui est présenté. Oui, absolument. Les Jésuites, je crois qu'ils aimaient pas trop la contradiction ou qu'on les contrarie, justement. Et Tessouat, c'est sûr qu'il était dépeint par les Jésuites comme un arrogant ennemi de Dieu et tout, tout. Mais en fait, c'était juste quelqu'un qui se tenait debout envers les... Peut-être qu'il était arrogant aussi, ceci dit. Mais quand c'est un chef français, c'est une qualité, mais quand c'est un chef autochtone, c'est mal vu parce qu'il ne s'écrase pas autant que les Jésuites auraient voulu. Donc, oui, ça a pris des livres d'historiens qui ont été capables de voir un peu plus loin que... Parce que c'est sûr que pour la Nouvelle-France, ce qui est difficile, c'est qu'en gros, nos documentations viennent des jésuites à la base. Donc, il y a déjà un point de vue qui peut être assez biaisé sur plein de d'angles, en fait. Oui, donc il s'agit d'affiner les angles, d'essayer de mesurer la subjectivité des jésuites, dans le fond, dans la manière qu'eux avaient de raconter ce qui s'est passé. Pour en arriver, parce que le portrait européen, dans le fond, devient plus facile à qualifier dans ce sens-là que le portrait amérindien. Oui, bien, c'est sûr que c'est un peu d'interprétation. On se cache pas qu'on racontait une histoire, qu'on s'est permis des libertés aussi, mais que même au point de vue des historiens, il y a des fois des contradictions, des désaccords ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y avait possibilité de manœuvrer dans tout ça sans que ça heurte qui que ce soit. On se cache pas qu'on a fait plus une histoire d'aventure historique qu'un truc didactique à 100% qui va juste intéresser les universitaires, en fait. Nous, on veut interpeller le grand public à lire ça, puis à partir de là, dire, OK, il y a des trucs intéressants. Tiens, je vais fouiller, je vais approfondir Tessouat, c'est qui, ou je vais approfondir Homme double, c'est qui, ou quoi que ce soit. T'sais. Oui, puis en fait, de manière générale, bon, c'est ces personnages-là, autant ceux connus, les vedettes historiques comme Jeanne Mance ou Maisonneuve, autant les personnages moins connus qu'on mentionne, s'y trouvent, mais c'est pas les personnages principaux de l'histoire, parce que dans le fond, la première, Ville-Marie, vous nous partagez plutôt le point de vue de Gautier, qui est un jeune colon français qui se lie d'amitié avec les Algonquins de Trois-Rivières, qui va servir d'interprète à Jeanne Mance et à Paul de Maisonneuve. Pour le second, le point de vue Algonquin, c'est à travers le personnage d'Ascou, ces deux personnages ont inventé. Ça permet, j'imagine, à travers ça, de pouvoir intégrer un peu une trame fictive à l'intérieur de la trame historique, de se donner un peu cette liberté-là, justement, de créer l'aventure. Absolument. Ben oui, tout à fait. Puis en plus, ben il y a la contrainte de pagination, que vu que c'est des albums plus format européen, franco-belge, on avait comme 54 pages chaque, fait qu'il fallait condenser un peu tout ça. Fait qu'en ayant des personnages inventés, on pouvait vivre l'aventure avec en trame de fond tout ce qui s'est passé véritablement. Puis on pouvait jouer là-dedans. Et aussi, on peut dire aussi que chaque personnage symbolise quand même un point de vue. Gautier symbolise, oui, les Français qui ont un bon fond, parce qu'en général, les Français ici n'ont pas été parfaits, loin de là. T'sais. Je pense qu'ils ont été moins pires que les Anglais et les Espagnols surtout. Donc, Gautier symbolise le gars qui, au bout du compte, c'est quand même lui qui s'en tire en magouillant un peu, mais tu sais, avec quelques petites trahisons, quoi de même, mais il s'en tire. Ascou, ben, c'est quelqu'un qui a réussi à intégrer tout ça et à survivre, un peu comme les Algonquins qui sont quand même présents dans notre géographie. Et aussi, je pense qu'il y a beaucoup plus de Québécois qui ont du sang algonquin ou algonquien, devrais-je dire, de langue algonquine, qu'on pense au Québec, tu sais. Même si c'est à petite dose. Puis là-dedans aussi, il y avait l'Iroquois aussi, bon, mais qui symbolise aussi l'ennemi de la France ou de Montréal à l'époque aussi. Ça pourrait pratiquement représenter un troisième album, ce point de vue-là. Ben, on aurait. Une fois que ça avait été avancé, on s'était dit qu'un triptyque aurait été vraiment excellent avec le point de vue des Iroquois, parce que là, il y a quelques pages où Dara et moi avons utilisé pour pouvoir expliquer le point de vue des Iroquois là-dessus, qui ont aussi leur raison de ne pas vouloir les Français là, ou quoi que ce soit. Faut pas oublier que c'est quand même Champlain à l'origine qui a démarré les hostilités avec les Iroquois, en faisant alliance avec les Hurons et les Algonquins. Mais donc, oui, ça aurait pu un troisième album pour montrer leur point de vue, pour pas nécessairement les dépeindre comme les méchants de service, entre guillemets. Mais c'est sûr que pour les Français, les Iroquois étaient l'ennemi, il fallait naviguer là-dedans sans trop les démoniser. C'est sûr qu'on a pris un personnage iroquois particulier qui l'était plus, mais que les autres étaient quand même moins pires. Mais oui, un troisième album aurait été très bien vu, sauf que malheureusement, je pense que ça aurait sorti pour le 376 ou 377e anniversaire. Et en même temps, on parle, en fait, c'est une trame, c'est accessible. Il y a quand même aussi beaucoup d'informations. C'est pas donné façon leçon d'histoire, on s'entend, mais ça permet aussi de comprendre peut-être l'importance stratégique de Montréal à l'intérieur de l'écosystème, le commerce des fourrures et le reste, et pourquoi, justement, c'était un enjeu quand même sérieux, autant pour les peuples amérindiens qu'autant les Européens qui essayaient de s'installer ici. Ben absolument, parce que d'un point de vue amérindien, effectivement, c'était un peu un no man's land, la région de Montréal, où, parce que c'était proche du territoire iroquois. Il y avait les Hurons qui étaient plus à l'ouest, il y avait aussi les Algonquins plus au nord, donc c'était un endroit où ce que on s'y risquait avec danger. Ensuite, après ça, ben les Iroquois étant armés abondamment par les Hollandais, c'est encore plus dangereux pour les alliés des Français. Mais il y a aussi, oui, le côté français, pour eux, c'est assez primordial de s'enfoncer plus vers le continent, dans le continent, pour pouvoir survivre, parce qu'en général, les Français payaient moins bien les Autochtones que les Anglais ou les Hollandais, et en plus, ils ne les armaient pas parce qu'ils vivaient plus avec eux. Donc, eux, pour pouvoir court-circuiter le réseau hollandais et anglais, il fallait qu'ils soient pas mal plus sur le terrain, d'où l'importance de s'avancer à l'intérieur du continent. Donc, on est face à ça, on a le contexte historique, on a les personnages qu'on souhaite mettre en scène, on a la trame réelle de l'histoire. Comment on développe un peu les deux scénarios en parallèle? Est-ce qu'on essaie de se faire un peu une ligne du temps avant d'attaquer le récit à proprement parler? Exactement. C'est exactement ça que j'ai fait. Je me suis vraiment développé une ligne du temps. Et ce qui m'a beaucoup aidé là-dedans, c'est l'Iroquoisie de Léopold Desrosiers. Parce que là, il s'est beaucoup chroniqué. Il y a beaucoup de petites chroniques. C'est passé ici, telle date, avec toutes les... C'est en ordre chronologique. Donc, ça a aidé à dire, OK, dans telle période, il s'est passé telle chose. Vraiment, au début, on s'est dit, OK, on va concentrer ça sur les deux ou trois premières années maximum. Ensuite, ouais, j'ai fait une ligne du temps, chronologique, tous les événements qui pourraient être intéressants, pour ensuite pouvoir dire, OK, mais ça serait intéressant du point de vue français, ça plus du côté algonquin. Il faut quand même que les deux se recoupent régulièrement, pour d'où l'intérêt de cet exercice-là. Mais oui, là, au début, d'enclencher, de démarrer vraiment l'écriture, ça a été long, parce que j'ai lu énormément. Zara et moi, on a beaucoup travaillé là-dessus, puis tu sais, les liens plus serrés et tout, mais ça commence, oui, par un bon squelette. Oui, puis en même temps, c'est qu'après ça, les correspondances entre les livres, soit les moments partagés où, oups, on a un personnage qui part dans un qui arrive dans l'autre, ça nous permet aussi de comprendre où on situe chronologiquement un ouvrage par rapport à l'autre ouvrage dans l'aventure qui est racontée. Oui, absolument, tout à fait. Ça permet de dire, OK, lui, il disparaît. OK, il faisait ça pendant ce temps-là. Puis dans un monde idéal, ça donne le goût aux gens, après avoir lu les deux albums, de relire l'autre pour mieux comprendre les ficelles ou quoi que ce soit, c'est super. Mais oui, ça permettait d'approfondir au lieu juste qu'il y ait des gens qui disparaissent puis on ne sait plus ce qu'ils font, tu sais, de voir tout ça... Absolument, ça a été le côté le fun là-dedans. Oui, puis il y a même, en fait, j'ai l'impression que quelque chose d'actif pour le lecteur, parce que juste de choisir, bon, faut lire les deux, je pense, pour apprécier l'ensemble, mais de choisir de commencer par un ou par l'autre, parce qu'il n'y a pas de choix obligé, déjà, ça force un biais pour le lecteur, parce que on est rentré dans l'aventure par un chemin, puis ça nous donne un biais quand on arrive à la deuxième, à l'écho, dans le fond. Oui, absolument. Mais nous, tu veux, parce que le but, c'est ça, c'est de choisir un ou l'autre. Mais nous, on avait commencé à écrire la version Ville-Marie pour pouvoir fournir Jean-Paul, en fait. Parce que Jean-Paul, il attendait après les pages pour avancer. Donc, au début, on a avancé les deux un peu en parallèle. Ensuite, on a mis l'emphase sur Ville-Marie. Et après ça, là, on a travaillé, quand je dis non, c'est toujours Zara et moi, là. On a travaillé sur le Oshéaga. Et un moment donné, quand on commençait à le faire, Zara a réalisé, elle dit, il me semble que là, on prend trop le pendant de Ville-Marie, puis l'album vit pas assez par lui-même, tu sais. Qu'on a un peu réorienté ça en cours de route pour, justement, lui donner plus sa propre entité, qui est beaucoup plus autochtone aussi, tu sais. Mais ça, ceci dit, moi, c'est ma manière de fonctionner. Dans tous les scénarios que j'écris, que ce soit La Bête du Lac, Les Guerriers Fantômes en roman ou mes autres albums, j'ai toujours un squelette de base et je me donne liberté totale de changer d'idée en cours de route ou quoi que ce soit pour approfondir le récit. Et dans l'adéquation entre les deux albums, au niveau du dessin, entre François Lapierre et Jean-Paul Hyde, est-ce qu'on a essayé d'avoir un peu une approche similaire au niveau de la couleur, au niveau de la mise en scène, ou au contraire, d'assumer un peu les biais stylistiques en s'entendant vers un certain réalisme là, quand même? Mais... Ben, on a décidé d'assumer les différences stylistiques, effectivement. Sauf que, premièrement, moi, quand on écrivait le scénario, Jean-Paul, il l'avait demandé au départ, puis de toute façon, c'était clair dans ma tête, tu sais. Il avait carte blanche pour faire le découpage ou la mise en scène qu'il voulait. Moi, je mettais des cases et des idées juste pour me permettre de, moi, voir ce qu'il en était dans une page. Après, Jean-Paul en faisait ce qu'il voulait, tu sais. Sauf que, lui, je pense qu'on a essayé de se rejoindre en cours de route, où moi, j'ai essayé que mon dessin soit légèrement plus réaliste que je fais d'habitude. J'ai légèrement, parce que c'est pas mon style nécessairement, j'ai un style plus carré, tu sais, ou plus graphique, on va dire. Mais j'ai essayé de le monter plus vers Jean-Paul. Et Jean-Paul, de par ses couleurs, je pense qu'il a essayé de me rejoindre un peu aussi, où est-ce que ses couleurs sont plus saturées ou denses. Donc, au bout du compte, je pense que ça fait pas deux albums qui jurent beaucoup, mais on a quand même nos caractéristiques. Puis c'est parfait ici. Oui, mais on est plus dans la subtilité que dans le... OK, on a deux couleurs, deux tons clairement différents. On est plus dans le chemin de la subtilité, puis dans justement sentir le biais de perspective peut-être plus ben subtilement, en fait, à défaut de meilleurs termes. Oui, absolument. Puis aussi, je pense que le côté réaliste plus du dessin de Jean-Paul allait bien avec la version Ville-Marie qui plus cartésienne, on va dire. Tu sais, il y a moins de mysticisme dans Ville-Marie. C'est pas qu'il y en a énormément dans Hochelaga, mais le point de vue amérindien, qui est aussi plus organique de par le théâtre des opérations, c'est de la forêt quasiment tout le temps. Il y a un côté plus organique qui permettait à moi de le faire, alors que Jean-Paul, lui, il est beaucoup plus rigoureux dans son dessin, en rigoureux, entre guillemets, dans le sens que c'est plus réaliste et tout. T'sais. Donc, c'est ça, mais l'important, c'est que chacun conserve aussi son style qui lui est propre, parce qu'on a quand même les deux fait on a nos preuves chacun de notre côté aussi, puis le but c'était pas de se trahir son propre style là-dedans. Et avec des albums comme ça, en fait, des fois on parle de porte d'entrée vers l'histoire du pays. J'imagine que y a un potentiel qui est intéressant pour le lecteur, et donc ce qui fait qu'il y a un potentiel qui est intéressant pour l'étudiant, en fait, pour les pédagogues, d'utiliser un matériel comme celui-là pour les amener vers l'histoire canadienne-française, dans le fond. Ben, souhaitons-le, dans le sens que moi, c'est mon but avoué depuis que je suis en bande dessinée. Même quand je faisais Sagana, qui était complètement éclaté et déjanté, c'était pour donner le goût aux jeunes et aux gens en général. Quand tu l'as un truc, même si là, on dérivait beaucoup de la réalité, d'avoir le goût de connaître ou d'essayer de voir ce qui se passait à notre époque, à l'époque de nos ancêtres ou à l'époque glorieuse, entre guillemets, de la Nouvelle-France. Puis là, ben, plus ça allait, plus je peaufinais mon style. Et dans 1642, c'est plus évident aussi. Mais c'est pour servir de porte d'entrée à notre histoire pour des gens qui, normalement, ça les intéresse pas. Et je le sais, moi, pour m'en souvenir, puis mes enfants, quand ils m'en parlent, que l'histoire de la Nouvelle-France, en général, à l'école, c'est pas très intéressant. Parce que on explique dans quoi les gens mangeaient, puis comment ils faisaient un feu, puis tout. OK, ouais, peut-être, mais le côté aventure et plus grand que nature, qui était vraiment existant, c'est pas mal passé sous le radar, alors que je parle surtout des garçons, ça pourrait peut-être les intéresser plus. T'sais. Un peu comme le côté western pour les Américains, en fait. Oui, puis un peu, en fait, d'interpréter les paysages, en fait, les étendues de l'époque. Tu l'avais fait un peu avec mon Patrick Boutin-Gagné pour la Bête du Lac. Bon, avec, justement, on en parlait, Chronique sauvage, Sagana, et le reste, dans le fond, de se donner la permission, si on peut dire, de se présenter les terres d'aventure d'il y a 400 ans, 500 ans, les étendues sauvages du Québec qui sont riches en histoire aussi. Puis, en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir les découvrir à travers un médium visuel comme la bande dessinée. Absolument. Puis en plus, c'est un domaine qui est quasiment un territoire qui est presque à défricher dans ce sens-là. C'est qu'il y a peu de gens qui l'ont fait jusqu'à présent. T'sais. Donc moi, à l'époque de Sagana, j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais. Quasiment personne n'a fait de la BD. Oui, il y en avait eu un peu, peut-être des années 70, quoi que ce soit. Mais de Québécois qui aussi tombaient pas nécessairement dans les clichés, je suis quand même capable de nommer des nations autochtones et tout. Tu sais, je veux dire, je suis capable de prendre la part des choses sans tomber dans les clichés que les Français peuvent facilement avoir. Je sais pas qu'ils l'ont systématiquement, pas du tout, mais des fois, ça peut arriver. C'est une manière de le faire. Puis oui, vu qu'il n'y a pas grand monde qui le faisait, moi, j'avais carte blanche pour le faire. Et je suis un gros fan de l'univers des contes, que ce soit des Frères Grimm, de Perrault ou les autres contes, oui, la mythologie. Puis dans l'époque de Sagana, pour moi, la forêt de la Nouvelle-France, c'était comme la forêt des contes qu'on peut retrouver dans les vieux contes français médiévaux. Les racines de beaucoup de choses, somme toute. Oui, absolument. Ça veut dire qu'au coin de n'importe quel arbre, ou détour, ou chemin, ou rivière, il peut se faire une rencontre particulière qui va déclencher d'autres mondes ou d'autres univers. T'sais. Un peu comme l'univers des contes, en fait. Et une occasion de retrouver, en fait, les contes dans certains récits, et dans le cas de 1642, bien évidemment, l'histoire réelle, l'aventure historique. François Lapierre, merci beaucoup. Ben merci à toi, Raymond. Puis à une prochaine. Ben oui, à la prochaine. Bye bye. Au revoir. Ah, voilà, François Lapierre, je le rappelle, scénariste aux côtés de Dzara Maud sur 1642 Ville-Marie et 1642 Hochelaga. Les albums, donc les deux albums sont chez Glénat, Ville-Marie dessiné par Jean-Paul Hyde et Hochelaga dessiné par François Lapierre, disponible depuis environ septembre, l'automne dernier, donc à découvrir si vous êtes férus d'histoire. Sur l'antenne du 89.1, vous êtes à l'écoute de La Vie en BD. Tantôt, je disais, en fait, féru d'histoire ou féru de bons récits, il va sans dire. En fait, l'histoire est truffée de bons récits et de belles aventures. Et on en a eu de beaux exemples il y a quelques instants avec les deux 1642. Et on en aura dans les prochaines minutes avec une autre aventure à caractère historique qui est apparue l'automne dernier. Dans le fond, Elena qui a vraiment été at large, si vous me permettez l'anglicisme, autour donc de l'histoire du Québec et l'histoire de Montréal de tout particulièrement. 375e oblige, et ben on rattrape un peu donc ces albums dont on tenait à vous parler, des beaux albums autour justement de cette période-là, et aux côtés de 1642, Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga, donc de Denis-Pierre Philippi et Patrick Boutin-Gagné, et pour nous en jaser, le dessinateur, donc Patrick Boutin-Gagné est avec nous, bonjour. Bonjour. Et j'imagine, il y a un certain défi, peut-être plus pour le scénariste, mais j'imagine aussi pour les dessinateurs, de réussir à nous présenter ce à quoi pouvait ressembler le deuxième, le troisième voyage de Jacques Cartier. Parce que nonobstant, quelques informations, journaux de voyage de Cartier, sur le plan visuel, il n'y a pas tant. Et sur le plan d'information, il n'y en a pas tant non plus. Donc, il y a beaucoup de vide à combler pour raconter ça. Côté visuel, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des références. Parce que la plupart des références qu'on peut avoir en tête, si on prend, mettons, comme un exemple, comme Pocahontas ou des trucs comme ça, mais ça se passe genre 150 ou 200 ans après. Donc, il y a des choses qui n'existaient pas en 1534. Donc, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des bonnes références, que ce soit pour les navires. Les navires, il y avait, si j'allais sur certains sites ou si je me référais à certains livres, la Grande Hermine avait parfois 3 mois. Parfois 4 mois. Donc, à un certain moment, j'ai fait un amalgame de tout ce que je trouvais. Puis, je me suis lancé côté design avec ça. Mais ça a quand même bien été. Mais je crois que ça a été un peu plus long que si j'avais eu à faire un truc qui se passait peut-être 200 ou 300 ans. Oui, en fait, l'image, l'illustration était moins présente. Puis même, en fait, ne serait-ce que pour le look de Cartier, l'image qu'on voit diffusée à tout vent, c'est un peu une image inventée aussi. Donc, j'imagine qu'il y a des fois un peu la question est-ce qu'on y va avec la légende autour de Cartier ou on essaie de trouver la part de vérité à l'intérieur de la légende, autant sur le scénario que pour le dessin? Ben c'est ça. Je partais avec les illustrations que j'ai trouvées ou les portraits, comme tu dis, de Cartier qui était imaginaire, si on veut, peut-être aussi, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Peut-être que le peintre ou le dessinateur a un peu embelli Jacques Cartier à l'époque. J'étais allé stéréotype un peu. Jacques Cartier, je le prenais comme un genre d'explorateur, mais calme, de grand calme, puis avec un sens de la logique. Donc, j'essayais de faire miroiter ça côté visuel. J'ai fait un personnage qui était quand même mince, élancé, avec une barbe pointue, peut-être plus quelqu'un de philosophe puis d'intellectuel que les marins qui l'entouraient. Oui, parce qu'en fait, pour contextualiser peut-être le contexte, l'esprit historique de l'album, on se retrouve avec Jacques Cartier qui, arrivé à Stadacona, souhaite aller vers Hochelaga et qui se place et qui a conscience de se placer dans un conflit latent qui oppose Stadacona à Hochelaga. Oui, puis en même temps, il est en mauvaise posture parce que quand ils sont arrivés ici, même si c'est le troisième voyage, ils n'étaient pas habitués non plus aux rigueurs, le scorbut qui faisait ses effets. Ça l'affaiblissait pas mal. Puis oui, il était comme un peu poigné entre Donnacona et Hochelaga. Il fallait qu'il joue de stratégie. Et ça ajoutait au côté stéréotype que j'ai ajouté au personnage. Comme il était stratégique, c'était quelqu'un qui devait moins montrer ses émotions, moins montrer ses craintes et ses peurs. Un, pour les Amérindiens qui étaient ici. Et deux, pour les marins qui étaient avec lui, pour pas non plus qu'ils sentent quand même un peu en sécurité avec un leader qui savait où il s'en allait. Hein. Et à la limite, enfin, on pourrait prendre l'album et dire « Ah, ça va être un récit d'aventure ». Il y a une dimension d'aventure, évidemment, dans Jacques Cartier, mais au terme de la lecture, je me disais « Mon Dieu, on est peut-être plus dans un thriller diplomatique ». Ça ressemblait beaucoup à ça. Il n'y a pas d'action dans Jacques Cartier dans l'album. Il n'y a pratiquement pas d'action. Il y a eu, aux premières pages, un peu, là, la poursuite pour des Amérindiens contre les Français. Puis, ça a duré peut-être 2 pages. Là, puis après ça, les images, c'était plus des images un peu menaçantes. C'est des attroupements d'Amérindiens qui s'apprêtaient peut-être à attaquer le fort, des trucs comme ça. Non, c'est plus un truc politique. C'est plus politique. Oui, stratégique, politique. Il fallait qu'il soit rusé, ce quartier, pour s'en sortir. Puis il l'a été. Et justement, ça amène, dans le fond, au bout du compte, il y a une notion de paysage, évidemment, de grandes étendues, mais c'est beaucoup l'humain à l'intérieur de ça qui est mis de l'avant. Donc, il faut avoir aussi des personnages qui sont expressifs. Ça se passe beaucoup dans le non-dit, dans le regard, dans les expressions, justement. Donc, c'est de réussir aussi à rendre ça à travers le dessin, à rendre cette tension-là, à la rendre compréhensible, puis à nous faire sentir, comme lecteur, la pression que Cartier devait ressentir au moment où il se retrouvait en plein milieu de ce conflit-là. Et c'est ça que j'ai essayé de faire le plus possible, un peu comme les autres albums, des fois, si je reçois un scénario puis qu'il y a, je sais pas, 7 cases, puis qui explique bien, qui passe en page, mais que c'est un peu justement de l'histoire. Tu sais, un bouquin d'histoire, souvent, ça va être des trucs qui sont des trucs factuels. Je dirais pas que c'est. Je veux pas dire que c'est plate à lire, mais c'est souvent un truc où il y aura peut-être pas beaucoup d'émotions. J'ai essayé souvent d'ajouter des regards ou d'allonger des cases, c'est-à-dire, mettons, une case où le personnage regardait au loin, mais la faire durer un peu, justement, pour créer peut-être ce petit côté, émotion, des fois qu'on retrouve peut-être un peu moins dans les bouquins historiques. Oui, puis de ralentir un peu peut-être le rythme de lecteur, nous mettre un peu dans les méditations, dans la réflexion qui est toujours omniprésente, dans le fond, autour de cette action-là ou de cette non-action-là aussi, selon les besoins. Oui, parce que les scènes ne duraient pas longtemps. C'est tout le temps des petites scènes de peut-être, des fois, une page, deux pages, trois pages. Pouf! On passait à une autre scène qui passait peut-être une semaine ou deux semaines après. Fait qu'il fallait refaire une mise en scène avec un plan d'ensemble où là, il avait changé de décor. Bon, ça se ressemblait, on s'entend, de la forêt, mais... Il fallait quand même les resituer et tout ça. Puis, ça se passait, même si un 50 pages, ça se passe vite. Mm-hmm. Puis, quand ça se passe vite, de même, oui, j'essayais de peut-être, ça fait un peu bizarre, mais en achetant des cases, puis en essayant de retarder l'œil du lecteur, j'ai essayé de faire, de rallonger un peu chaque scène, justement, pour, des fois, pour admirer le paysage un peu. Et puis, en fait, tu parles d'allonger un peu le regard du lecteur. Il y a des pages, des segments où carrément tu nous mets une ombre, mais entièrement monochrome, en noir, premier plan, soit de peuple, animaux, arbres, avec l'image qui est au fond, qui est beaucoup plus petit. Est-ce que c'est une manière un peu justement de nous éloigner un peu ou de créer cette distance-là, ce temps additionnel-là? Ben, ça, des fois, c'est un truc plus d'illustration, de créer une profondeur avec un avant-plan noir et un arrière-plan clair. Ça crée une profondeur sans jouer avec la perspective. C'est un peu technique comme tel. Moi, j'utilise ça plus pour aller me chercher une profondeur, sans être obligé d'élaborer une grosse perspective compliquée. Puis je veux dire quelque chose qui fait un peu drôle à dire, mais si tu as une masse noire en avant qui crée comme un avant-plan direct, le lecteur se sent plus dans l'histoire. C'est comme s'il était plus proche de l'avant-plan. Puis deux, honnêtement, ça te fait un peu moins de stuff à dessiner en arrière de ce qui est noir. Fait que c'est des fois une bonne technique pour créer une profondeur, puis en même temps, ça sauve un peu de temps. Oui, puis en même temps, quand on parle aussi de diplomatie, de dialogue, d'échange, qu'on a toujours dit, je ne sais pas si c'est une perspective que tu partages, Patrick Boutin-Gagné, mais que les dialogues en BD, comparativement à des scènes d'action, c'est peut-être ce qui est le plus dur à dessiner, à rythmer. C'est peut-être un plus, ça peut paraître plus simple quand on lit, mais c'est peut-être un plus grand défi à dessiner puis à mettre en scène. La notion de dialogue, d'échange, de conversation comme ça, de... Ah, okay, oui, non, c'est sûr. Quand des personnages discutent, mettons, c'est sûr, mettons qu'il y a une longue discussion qui peut durer, je sais pas, une dizaine de cases, là. Oui, parce qu'il faut rendre ça intéressant graphiquement, même si il se passe rien. Ben, il se passe rien dans le sens... c'est comme le fameux... c'est facile de dessiner un Spider-Man qui saute d'un immeuble, mais c'est difficile de dessiner Batman en train de se brosser les dents. Il faut que les deux soient intéressants. Puis c'est là qu'il faut varier les cadrages, faut varier la composition, faut essayer de rendre, de faire promener l'œil d'une façon intéressante, même si ce qui se passe, la tension ou l'action est dans les dialogues, c'est pas dans l'action du personnage. Le personnage donne pas un coup où il combat pas, il court pas, là, il fait juste discuter avec un autre. Fait qu'il faut réussir à, un, que bon, le dialogue va aller chercher, va démontrer la tension ou le drame qui se passe. Mais visuellement, il faut suivre ça et tout. Si on met juste deux personnages, tout le temps avec le même plan de caméra, la même perspective, tout le temps le même cadrage, pendant deux pages, pendant 10 minutes, oui, le dialogue peut être extrêmement intéressant, mais on va se lasser de regarder les images. Et puis en même temps, j'imagine que la tension, à un moment donné, ne fera plus l'effet parce qu'on va y être habitué comme lecteur. Donc à un moment donné, il faut que tu arrives à nous surprendre quand on arrive à un autre moment où il y a peut-être quelque chose qui va déraper entre les deux et qu'on sente différemment ce dérapage potentiel-là. Oui, c'est pour ça. Les deux fonctionnent, c'est la même chose qui donne un dessin qui est wow, tu sais. Pendant une conversation, je parle, le dessin, il est comme dynamique. C'est ton cadrage est dynamique. Là, il se promène, c'est le fun pour arriver justement au climax dont on parle. Mais si le dialogue est pas là, bon, on s'en lasse autant. Fait que les deux vont te parler. T'es obligé de. C'est pas parce qu'un dialogue, tu vas avoir des pages de dialogue ou des dialogues bien importants, tu vas dire, ah, ben, je peux relâcher un peu mon cadrage, mes trucs comme ça. Le dialogue, c'est la durée. Non. Le visuel doit suivre, c'est pas le choix. Et tu parlais tantôt, en fait, des fonds. Évidemment, c'est beaucoup forestier, mais d'un autre côté, bon, on passe du Québec de l'époque, en fait, de la Nouvelle-France ou de ce que c'était de la Stadaconé, bref, de ces régions de l'époque vers Saint-Malo. On passe de l'automne à l'hiver, des eaux aux terres intérieures. Donc, quand même, la narration nous amène aussi à différents endroits. J'imagine, pour toi, ça devient intéressant aussi de créer ces différentes ambiances-là et de varier, justement, les lieux, les contextes, quand même un brin, là. Oui, parce que ça crée un genre de contraste. C'est toujours intéressant de faire un contraste. D'avoir un contraste pour... le contraste, c'est du blanc pur avec du noir pur. C'est la même chose quand on passe qu'on a passé justement du Canada où c'était enneigé, les arbres, la forêt, etc. Bang, à ce moment-là, où là, on a la situation telle qu'on la connaissait dans ce temps-là, puis ça s'est plus évolué, si on veut. Hein. Ça n'a pas duré énormément de temps. Je pense qu'il y avait trois pages qui l'attendent, justement, là. Mais pour moi, c'est un défi aussi parce que j'ai jamais fait de trucs historiques. J'ai tout le temps fait du fantasy ou un peu de science-fiction, des trucs comme ça. Donc, il fallait vraiment que je travaille avec des références. On en revient à notre première question où c'était dur à trouver. Puis en même temps que m'habituer à ça puis m'éduquer à ça, il fallait quand même que je réussisse malgré tout à jouer avec les contrats. Ça a été une bonne expérience pour moi, quand c'est pour ça, côté technique, pour apprendre la technique du dessin. Oui, puis en même temps, de faire une continuité aussi entre des séries fantastiques, que ce soit Brogoun, du Lac ou d'autres, et l'historique de Jacques Cartier, qui est quand même une continuité dans ton trait, un trait qui est quand même encore assez géométrique, assez anguleux, et de pas non plus complètement te réinventer, puis à la limite d'amener peut-être un peu de ton approche fantasy dans un contexte historique réaliste. Ben ça, ma ligne, oui, ça, je l'avais gardé, mais peu importe, c'est mon style de dessin. Puis moi, je trouve pas que... Il y avait des débats là-dessus, mais je trouve qu'un style de dessin comme le mien, ou comme n'importe quel style de dessin, peut faire n'importe quoi. Oui, c'est anguleux, c'est donc semi-réaliste, si on veut, mais ça pourrait être du contemporain, comme là, je suis du contemporain à un moment, ça pourrait être de la science-fiction, ça pourrait être fantastique, ça pourrait être fantasy, ça pourrait être historique comme ça. C'est un style de dessin. Moi, je vois pas de barrière. Quand je vais lire une BD ou un comic d'horreur, même si c'est un dessinateur qui est semi-réaliste comme Humberto Ramos, je vais aimer ça autant qu'un dessinateur réaliste comme Thierry Labrosse. En fait, c'est que tant qu'on est capable, comme dessinateur, comme metteur en scène, d'immerger le lecteur dans le récit, de l'amener, de faire ressentir ce qu'on veut, lui faire ressentir, le manipuler un peu à la limite, indépendamment du style de dessin, dans le fond, c'est dans l'effet, puis c'est dans le rendu global que ça va marcher ou non, finalement. Ben, moi, de mon côté, ce que je suis convaincu, ça, c'est moi, là, c'est bien avec moi, là, c'est la mise en scène, c'est tout. Pour avoir un dessin vraiment, tu sais, basic, là, bien ordinaire, avec une mise en scène superbe, tu vas accrocher le lecteur. Mais si tu as un dessin, ça, c'est mon avis, mais si tu as un dessin superbe, mais une mise en scène, je parle pas d'une composition par case, mais une mise en scène d'une case à l'autre qui est très ordinaire, tu risques, en tout cas, moi, comme lecteur, je décroche. Ça va être plus un, j'aime bien le dessin qui est stylisé, qui est graphique, mais j'aime aussi qu'il est réaliste, semi-réaliste, mais ce qui m'embarque le plus, c'est la mise en scène. Si la mise en scène est là, j'embarque. Donc, je vais pas mal débarquer. Et on peut découvrir justement comment vous nous embarquez dans ce récit, donc avec Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga. Patrick Boutin-Gagné, merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Ça fait plaisir, à une prochaine. À la prochaine. Alors voilà, donc je rappelle Patrick Boutin-Gagné, donc dessinateur sur Jacques Cartier à la poursuite d'Hochelaga. C'est scénarisé par Denis-Pierre Philippi et c'est du côté des éditions Glénat. Alors, toujours quelques extraits donc de Roxive Ocknarb avec leur album Synthesis, toujours dans le 8-bit, ici à la vie en BD. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook, facebook.com/la vie en BD. Également, quelques blogs pour les émissions, ils sont disponibles en balado-diffusion sur laviebd.wordpress.com. Et également, mon blog personnel, voir.ca/Raymond-Poirier. Et d'ailleurs, sur mon blog personnel, j'ai mis dans les dernières semaines quelques articles que j'avais rédigés dans le passé pour Feu Magazine Sentinelle. On a jasé avec François Lapierre en début d'émission, mais justement, il y a beaucoup fait de travail de coloriste. Alors, j'ai mis en ligne une rencontre croisée entre François Lapierre et André Gagnon autour justement de la couleur, mais de la perspective québécoise également, et aussi un article sur des projets BD et le sociofinancement. Alors, si jamais la chose vous intéresse, vous pouvez aller voir donc sur mon blog personnel. Alors, cela étant dit, gros projet qui s'en vient, gros marathon qui s'en vient aussi, quelqu'un qui va faire le marathon et l'organiser. Max Tache, Maxime Dubois, bonjour. Salut Raymond. Et le marathon dont on parle, c'est les 24 heures de la bande dessinée de Québec. Alors cette année, enfin, il y en a pas mal qui ont eu le cœur brisé quand ils ont vu que le 24 heures de la BD d'Angoulême prenait une pause. Et Maxime, toi, t'as eu le cœur brisé, certes, mais t'as décidé aussi de faire un off en remplacement du vrai, dans le fond. Ben, en fait, moi, je fais pas beaucoup de BD dans le vrai vie, puis il me faut toujours un prétexte. Ben ça, c'est un prétexte qui est très intéressant et complètement fou en même temps. Puis je trouvais ça vraiment dommage quand j'ai su, en fait, c'est mi-décembre qu'on a su que l'événement prenait une pause. Je me suis dit, ben c'est pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose en janvier. Fait que j'ai sondé le terrain, tant avec des gens de Québec que parmi les groupes Facebook d'illustrateurs du Québec et un peu partout, à savoir si ils étaient intéressés à faire un 24 heures, sachant qu'il y en a techniquement pas cette année. Fait que comme la réponse était majoritairement positive, ben j'ai contacté le Festival de la BD québécoise. Je suis en contact avec Thomas-Louis Côté, qui est le président. Directeur général, je pense. En tout cas, c'est son titre, là. Puis, il était all-in pour embarquer dans le projet. Fait que je me suis embarqué dans l'organisation très étroite avec lui du 24 heures. Ça s'est fait assez rapidement. Donc, c'est cela. Fait que c'est organisé à Québec. Au départ, j'ai vraiment proposé le projet comme un off du 24 heures d'Angoulême. Mais c'est vraiment une version maintenant officielle proposée par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et c'est la deuxième année, en fait, qu'il y a un rassemblement qui est organisé autour du 24 heures. Donc, on l'avait proposé avec la collaboration du festival l'an dernier à la Maison de la littérature. Cette année, ça va être dans les nouveaux bureaux partagés par le Festival de la BD et Télé-Québec sur la rue Grande Allée. Donc, en fait, j'imagine qu'il y a un plaisir à faire un marathon comme ça. C'est la troisième fois, Maxime, toi, que tu le faisais. Tu l'as fait une fois en appartement, la deuxième fois à la Maison de la littérature. Et j'imagine qu'il y a un contexte différent à être 10, 15, 20, 30 auteurs à le faire en même temps au même endroit. C'est assez fou, en fait. Mais ce qui est le fun, c'est de voir que tout le monde panique. moi, la première fois que je l'ai fait, c'était en collaboration avec Catherine Lemieux. On était les deux en live pendant le 24 heures. Puis, on pouvait communiquer avec des gens qui le faisaient depuis chez eux, mais c'est pas la même chose quand on est au même endroit. La version du 24 heures de la BD de Québec permet quand même aux gens de le faire depuis chez eux, mais on invite les gens à venir le faire en grand groupe dans les locaux, justement, sur Grande Allée. Oui, on l'avait vécu l'an dernier. On dirait que le début, c'est tel que tel, mais à un moment donné, quand la fatigue commence à s'installer ou quand on est tombé dans la nuit... et là, en plus, cette année, les heures changent un peu, oui. Parce que là, l'année dernière, vous étiez sur les heures de la France. Oui. C'était de 9h le matin à 9h le lendemain matin, donc la nuit arrivait un peu plus tardivement en fin de parcours. Là, dans ce cas-ci, on s'est dit, ben tant qu'à pas être pogné avec les heures françaises, on le fait un samedi, dimanche, c'est 26, 27 exactement janvier. Exactement ça. Et avec des heures québécoises aussi. Ouais, ben c'est ça. Ben en fait... eux, en temps normal, le faisaient de 15h l'après-midi à 15h le lendemain. Puis cette année, on a décidé de faire midi à midi. Ça laisse le temps aux gens qui ont paniqué la veille de dormir au moins un peu, sans que ça soit trop tard dans la journée. Mais je trouvais que midi-midi, c'est un bon compromis. On va le tester, on va voir comment ça réagit. Puis le fait aussi que ce soit la fin de semaine plutôt qu'en plein milieu de semaine, ça peut peut-être changer la donne pour les gens qui voulaient participer. Oui, mais qui travaillent en fait, puis qui se disent « bon, OK, je voudrais le faire, mais... » Parce que tout le monde peut le faire, en fait. Oui. Bon, toi, tu dis c'est l'occasion que tu fais de la BD dans l'année ou une des principales. Et ça veut dire que tout le monde qui a envie de s'exercer, de se lancer, c'est une belle occasion. Là. Oui, en fait, j'avais jamais vraiment fait de BD avant d'avoir fait le premier 24 heures v'là 2 ans. Je trouvais que c'était un beau prétexte, en fait, pour me lancer. J'avais été approché pour un projet autre qui avait lieu 2 mois après. Je me suis dit, c'est une bonne pratique. C'est plus qu'une pratique, c'est vraiment un défi. Mais en même temps, il y a personne qui nous oblige m'oblige à finir les 24 planches. Moi, j'ai fait du 8 planches les deux dernières années. Je suis content de ce que j'ai réussi à faire, parce que pour moi, c'est un gros défi quand même. Mais même pour les professionnels, 24 planches en 24 heures, ça laisse pas beaucoup de temps au cerveau de se reposer. Là. Donc, non, mais l'an dernier, à la Maison de la littérature, il n'y en a pas tant qui ont réussi à faire le 24 planches. Il n'y en a pas tant, mais il y en a quand même. Oui. Mais même en ligne, il y en a plusieurs qui ont réussi à faire les 24 planches. Mais vraiment, le but, c'est de pousser les gens à vivre un espèce de stress, mais qui est positif. Parce qu'on a juste un contexte, on fait une BD, il y a une contrainte. Cette année, il y a une petite différence par rapport aux années précédentes. Nous, on a décidé de faire une thématique ainsi qu'une contrainte. On a deux éléments qui viennent encadrer la potentielle BD qui va être créée pendant 24 heures. Oui, puis pour éviter en fait que les gens commencent à l'avance, ils restent. Donc, la contrainte devient importante. Elle va être lancée en direct des locaux à midi, au moment où ça commence. Et comme tu dis, ça devient intéressant parce que pour quelqu'un qui commence, il peut dire jusqu'où je vais être capable de me rendre. Dans ton cas, j'imagine que tu dis cette année, je voudrais faire peut-être 9-10 planches. Je vais faire ce que je peux. Aussi. Je vais essayer de... En fait, je me suis rendu compte d'une année à l'autre que je pouvais mieux me préparer pour l'édition suivante. Donc, je me suis dit, là, cette année, je suis techniquement encore mieux préparé. Le but, c'est de rendre ça le plus simple possible. Parce que plus on se complique la vie, plus on essaie de rendre ça peut-être joli, plus ça nous prend du temps. Donc, des fois, la couleur, c'est peut-être pas vraiment important. On peut enlever des éléments. On a juste 24 heures. Si vous voulez retravailler votre 24 heures de BD, vous pouvez le faire. Mais vous avez juste 24 heures pour le réussir dans le contexte du 24 heures. Donc, je sais que, par exemple, Julien Dallard-Charret en a fait un zine de son 24 heures. Il y en a d'autres qui le font également. Je sais que Sviane, pas mal à chaque année, elle les a cumulés pour les mettre dans des projets. J'en ai juste deux, vite comme ça, là. Mais il y a moyen de prendre ce projet-là puis d'en faire quelque chose par après. Mais vous n'êtes pas obligé de tout faire en moins de 24 heures. Ouais. Donc, il y a des bons arguments. En fait, l'occasion de se tester, un défi personnel, une occasion de faire une activité en commun avec d'autres passionnés de bande dessinée, professionnels ou amateurs. L'occasion une occasion de plaisir, parce qu'il y a du plaisir là-dedans. Il y a beaucoup de douleur, de souffrance, mais il y a beaucoup de plaisir aussi. Oui, mais ce qui est le fun aussi, c'est l'échange, puis de voir comment les gens se préparent. Parce qu'on le monde de la BD, c'est souvent des gens qui sont chez eux. Fait qu'on les amener à l'extérieur de chez eux, c'est un bon pas. Puis de voir un peu le procédé, c'est quand même assez intéressant. Puis de pouvoir échanger avec eux pour voir comment ils s'y prennent. Surtout pour les amateurs comme moi, par exemple, mais pour d'autres aussi qui se sont joints à... aux gens qui participent depuis Québec pour cette édition-ci, parce qu'il y a déjà des inscriptions qui ont été faites, ces personnes-là ont peut-être jamais vu comment les autres travaillent, etc. C'est une bonne façon de voir comment les gens se préparent ou comment les gens ne sont pas préparés ou comment les gens vont dans l'hyper complexe ou dans le méga simple, soit pour aller plus rapidement ou ils ont vraiment un rythme de croisière bien établi depuis le temps qu'ils en font. C'est le fun de voir les différences qu'il y a là-dessus, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a du stress. Mais c'est quand même pertinent des fois. Oui, mais c'est le fun de stress. Là. Je veux pas. Et là-dedans, justement, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont envie de se lancer comme auteur, scénariste, dessinateur, que ce soit en duo ou en solo, c'est possible de le faire. On a jusqu'au 22 pour s'inscrire? Oui, jusqu'au 22 janvier. Puis l'événement a lieu du 27 au 28 janvier, soit samedi et dimanche, la semaine prochaine, de midi à midi, heure du Québec. C'est possible de participer depuis partout sur la planète. Vous pouvez être où vous voulez. En fait, pour s'inscrire, évidemment, on va sur fbdfq.com. Il y a le formulaire qui est là. Et justement, on spécifie si on veut le faire de chez soi ou si on veut aller dans les locaux du Festival et Télé-Québec pour le faire. Exactement. Et pour le grand public, comment on fait pour vous suivre? Est-ce qu'on peut aller vous voir? Est-ce qu'on vous suit sur Facebook, Twitter et Tumblr? Je sais pas. En fait, sur le site du Festival de la mode dessinée francophone de Québec, tous les participants vont avoir les liens en dessous de leurs images qui vont les diriger vers leurs réseaux sociaux respectifs qu'ils ont décidé d'utiliser pour partager leurs 24 heures de la BD. Peut-être que certains vont... là, présentement, c'est pas encore mis en ligne, là, cette partie-là, mais ça va se rajouter en début de semaine. Vous allez pouvoir suivre ce que les gens font. Il y a peut-être certaines personnes qui vont être en direct pendant le 24 heures. Moi, peut-être que je vais le faire aussi encore cette année. Ou c'est laissé libre. C'est à la discrétion des gens. Sinon, le festival de la bande dessinée francophone de Québec va partager sur Facebook, sur Twitter, beaucoup de liens pendant la journée pour pouvoir suivre ce qui se passe. Pour le public, c'est pas particulièrement ouvert au public. Là. C'est dans les vous êtes en train de travailler et en train de stresser et en train de créer. C'est ça. Mais il y aurait moyen... de communiquer pour voir s'il y a pas quelque chose de possible. Là. Si vous êtes trop curieux puis vous venez voir, à un moment donné, peut-être qu'il y aurait moyen de trouver un moment pour vous. Sait-on jamais. Alors, dans tous les cas, on visite donc fbdfq.com, que ce soit comme public ou comme participant. Et donc, c'est, on le rappelle, le 27-28 janvier prochain, le grand défi. Maxime Dubois, ben enfin, je te souhaite bonne chance. Merci. Ou je te dis merde. Les deux. Je vais tout prendre. Alors, ben bon défi à toi. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. La semaine prochaine, on aura Velm et Samuel Quentin pour jaser album avec nous. Alors, ce sera un rendez-vous. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine, une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.